Toujours à l'occasion du 80e anniversaire de la victoire dans la bataille de Potsambon, le récital poétique des paysans et des membres de l'Union des travailleurs agricoles, ce thème « Que le flambeau de Potsambon s'enflamme à jamais » s'est tenu le 2 courant à l'ancien théâtre de combat révolutionnaire du Mont Madou. Y ont été présents les officiels intéressés, les permanents et les membres de l'Union des travailleurs agricoles de la capitale et de la province du Pays du Sud. Après le récital, les participants ont fait le tour de la salle d'éducation et de conservation et des mots d'ordre gravés sur des arbres à l'ancien théâtre de combat révolutionnaire du Mont Madou.